Pour les nouvelles entrées, on aura plein d'autres chansons plus tard, mais avant de continuer, on doit dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Mais oui, pas Mary St. Peace, Colin. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Je patine sur des chemins en gravelle. On m'a dit que t'es tombé du ciel. Des pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis l'édition du 24 février au 2 mars 2014. On a dit au revoir à Simon Kearney et sa pièce Chemin de Gravel ou en Gravel? En Gravel, mais c'est déjà une nouvelle entrée cette semaine, donc ouais. Fais-moi mal. Ben, je préfère la nouvelle à l'ancienne. Ah, OK. Je trouve la nouvelle meilleure. 5 semaines, je m'en souviens pas tant, je te dirais. Non, ouais. Ensuite, on a entendu Massicotte et Chérie, je jappe. Moi, je me suis tanné de cette pièce-là après une semaine environ, mais elle a duré 6 semaines. Et tu l'as tout le temps dans la tête. Oui, tout le temps dans la tête. Et finalement, on a dit au revoir à The Darcy's et Muzzle Blast, qui est resté 8 semaines. Ça me rend triste parce que je l'aimais bien. C'est une pièce très calme, mais je l'adorais. Donc, Muzzle Blast de The Darcy's. C'est tout. Une petite semaine, somme toute.